Eh bien oui, chers auditeurs d'Éphémère, je me trouve actuellement à la brasserie Jules Ferry. C'est à Jules Ferry, un petit village de 500 habitants, avec, vous le savez, un voyage dans le temps. Nous sommes en 1880 et cette année, Jules Ferry vient de décréter que l'école était obligatoire. Je vais essayer de voir comment on peut rencontrer Jules Ferry. Je sais qu'il se trouve ici, hein, pas loin en tout cas. Bonjour, jeune homme. Oh putain, un chave. Attends. Ben voilà, j'allais claquer, comme salaud. Bon, quittez-toi. Je me demandais si vous saviez où est-ce qu'on peut rencontrer Jules Ferry. Jules Ferry, que c'est au lycée Jules Ferry, que c'est en bas de la rue, là, Jules Ferry. Vous prenez à l'angle de l'impasse Jules Ferry, que c'est facile, hein. Ouais, j'ai pas tout noté, vous pouvez m'y accompagner peut-être Ouais, bon, de toute façon, j'y vais, que je suis à la bourre et j'ai perdu, alors. Voilà, hein, parce que bon, je vous explique un peu, je m'appelle Lionel Bruno, donc vous voyez, vous êtes en direct sur Éphémère, mais dans à peu près 116 ans, vous comprenez, donc forcément... Non, j'ai pas compris, il est trop bon ton engin, quoi, c'est quoi? C'est un booster VSP avec Po Ninja. Enculé, il prend combien? Celui-là, il doit prendre 95, quoi, facile. Hein. Enfoiré. Et tu veux parler à Jules Ferry la maman ou Jules Ferry le fils? En fait, moi, j'aimerais rencontrer Jules Ferry, puisqu'on a fait un petit reportage hier, et en fait, on se demandait pourquoi Marignan s'était passé en 1516 et qu'il avait dit à tout le monde que c'était en 1515. Quoi, hein. Oh putain, il y a le dire l'eau, je me cache. Voilà, bon, alors là, on va rentrer dans le lycée Jules Ferry. Je vous laisse rentrer avec moi. Beaucoup d'enfants. On est bien dans un bâtiment scolaire, a priori. Merci, jeune homme, de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je ne suis pas déçu de ce que je suis en train de voir. Beaucoup de jeunes enfants. Ah, je vois une grande personne là-bas. Je vais m'approcher de lui. Peut-être qu'il va pouvoir me renseigner. Bonjour, monsieur. Je me trouve bien actuellement au lycée Jules Ferry, c'est ça? Oui, vous êtes dans la cour du primaire, cours Jules Ferry. Et est-ce que vous croyez qu'il serait possible de rencontrer monsieur Jules Ferry? Je sais pas. Il est peut-être en réunion. Enfin, je vais voir ce qu'il est possible de faire. Je vais vous amener à la salle des professeurs. De toute manière, je m'y rends. Je suis moi-même enseignant au lycée Jules Ferry. Très bien, en fonction de quoi? Enfin, qu'est-ce que vous exercez? Je suis monsieur Glaoui, je suis professeur d'informatique. Ah, très bien. Ouais, C'est-à-dire que le lycée Jules Ferry a fait l'acquisition d'un ordinateur, le Ferry 2000. Bon, pour l'instant, c'est pas très, très au point, enfin, c'est très volumineux. C'est-à-dire que ça prend tout l'ancien gymnase. Le gymnase Jules Ferry a été entièrement réquisitionné pour installer la mémoire de l'ordinateur et le processeur. Pour l'instant, on a deux touches, J et F. Et bon, on a bon espoir d'arriver à écrire Jules Ferry avant la fin du siècle. Ah, ça y est, nous sommes. Alors ça, si vous restez, c'est important, c'est la machine à café. Oui. Alors, si vous mettez 5 francs au lieu de 2... Eh ben, c'est de l'absinthe qui coule dans le verre, enfin, c'est bon à savoir. Ah, ça c'est bon à savoir. Ouais. Bon, allez, voilà. Vous voyez, salle Jules Ferry, c'est la salle des professeurs. Bon, peut-être qu'il est là. Très bien, je vous remercie, monsieur. Je vais y pénétrer. Ouh, énormément de monde. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez comment je peux parler à monsieur Jules Ferry, monsieur? Ouais, c'est moi. Ah, je m'appelle Ferry. Oui, ah, c'est vous, on est tombé sur vous, très bien. Excusez-moi, j'avais 200 balles, j'ai tout foutu dans ma machine absinthe, je suis un peu d'équerre. Oh putain, l'absinthe, la montée que j'ai eue, dit. Oh là là. Alors, on avait pas mal de questions à vous poser, hein. Je vous explique ouais, un peu, je m'appelle Lionel Bruno, je viens du futur. Ouais, moi aussi. Et c'est quoi cet engin, là? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle un micro. Un micro? C'est ce qui permet de retranscrire votre voix en ce moment en direct sur Éphémère, vous voyez. Ça se boit? Non, mais on peut l'utiliser à des fins, disons, tout autre que celle du moment, vous comprenez? Ouais, ok, bon, vas-y, pose ta question. Alors, hier, nous avons fait un tour du côté de Marignan, c'était en 1516. Et, 1515, Marignan. 1515, je te dis. Non, c'était en 1516, hein, oh, nous... Attends, excuse-moi, je fais une casser la gueule. Monsieur Ferry, vous me signez ta mon... Ta gueule, j'ai la gère. Ta gueule. Mais ta gueule. Mon bulletin d'absence. Ta gueule. Oh, c'est dégueulasse. Saloperie d'absence, putain, mais on prise où celle-là? J'espère qu'ils ont pas pris la brasserie Jules Ferry, parce que... La merde là-bas, c'est la merde, cette absence. Donc, Revenons donc à nos propos. Hier, nous avons découvert que Marignan se passait en 1516, donc. Ouais. Et pas en 1515, quoi. Donc, on s'est dit que vous étiez un petit peu responsable. Hein. Je suis au courant de cette histoire. Je voulais savoir le fin mot de l'histoire, parce qu'il y a. pas mal de gamins qui ont des problèmes de prononciation. Et leur faire prononcer, quand ils ont les cheveux sur la langue, 1516. Oui. Vas-y, 1516, vas-y, dis-le. Dis-le et sans me foutre dans la gueule, postillonne pas, tu vas voir. Tu vas voir comme c'est rude. 1516. 1516 ? Ouais, alors 1515, tu peux le dire mieux, là. 1515, ça sonne mieux, tu vois. 1515. Ah oui, effectivement, ouais. Si on veut apprendre, si on veut... Ouais. T'as qu'à te torcher avec ton chéquier, quoi, non. Si on veut apprendre, t'as qu'une carte bleue, bah tu racles. Pas chier, hein. Putain, c'est pas vrai, c'est mob, putain de mob. Ouais, alors, bon, si on veut apprendre l'histoire à ces sales gosses, là, déjà, qui sont obligés d'aller au bahut, à cause de moi, je le sais. Bon, maintenant, j'ai couvert un peu ça. Bon, avec qui si tu veux, bon, faut réduire un peu, quoi, et tout ce qui est date et tout ça, pour faire les dates plus faciles, quoi. Puis, de toute façon, tu me gaves avec tes questions, quoi. Très bien, je crois que je vais vous laisser. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. T'as pas une clope ? Tenez, je vous laisse le paquet. Sympa. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi. Et, tire-toi. À vous, Philippe Salvador. C'était Lionel Bruno, en direct de 1880. Eh bien oui, Philippe Salvador, on se retrouve en 1880, je suis aux côtés de Jules Ferry, avec qui je viens de passer la soirée. Finalement, on s'est bien entendu, n'est-ce pas Jules ? Ouais, sympa, ouais. T'es sympa comme mec, toi. Et Jules a décidé de me faire visiter en pensionnat des années 80 du siècle dernier. Ouais. Merci à toi Jules, tout d'abord, hein, quand même. C'est normal. Bon, on va y aller. On te dit. Allez, essaye de monter les marches. Ouais. Ah, c'était cuite. Bon, alors, là, ça commence. Là, c'est la première chambre. Hein. Alors, c'est les premiers de la classe. Ah oui, effectivement. Hein. Ouais. Tu vois, super. Une chambre particulièrement bien ordonnée. Hein. Approche ton micro, tu vas voir, regarde. Eh, c'est qu'un micro, c'est pas moi, hein. J'ai pas la forme ce soir. Bon, voilà, alors ça c'était la première chambre. Attention à ne pas les réveiller quand même. Hein. Ouais, non, t'inquiète. Allez, salut les mioches. Ouais, c'est les petits cons, je peux pas les saquer en plus. Alors, on va dans une deuxième chambre peut-être ? Ouais, celle-là un peu plus cool. Voilà. Eh ben les gars ! Eh hey, c'est quoi ce bordel là ? C'est quoi ce bordel ? Putain, mais t'as c'est quoi cette chambre? Mais il y a de l'absinthe là-bas. Putain. Vas-y, fais lui faire du pâte à roulettes. Les gars, ça. Faut se faire une rasade. Pour le plaisir. Hein. C'est pour des gars comme vous que j'ai inventé l'école. C'est bien. Allez, viens, Flipper. Continuez, les gars, continuez. Bon, on va les laisser, on y reviendra après. Ok, pas de problème. Hein. Ça te va pour l'instant? Moi, je suis plutôt d'accord. Cool, hein. Et par rapport à ton futur, ça change beaucoup. Non, ça va bien. Là, je pense qu'on va passer une plutôt bonne soirée après, hein. Ouais, c'est peut-être, ouais, peut-être. Bon, allez, on y va. Ouais. Alors, où est-ce qu'on va ? Bon, la troisième chambre. Ah, bah tiens, ils sont sous la douche. Mais j'ai pas encore inventé l'école pour les filles. Ça va pas tarder parce qu'ici, ça manque de touffe, quoi. Hein, tu vois. Bon, allez, on y va. Alors, regarde. Alors voilà, là t'as les douches. Bon, t'as tous les mioches à poil, hein. Salut les mioches. Salut. Ouais. Et à côté, t'as... On va peut-être en interroger un, bonjour. Ouais, si tu veux, vas-y. Tu réponds, toi. Oui, monsieur Jufferi. Ouais, allez, vas-y, je te le laisse. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur Jufferi? Bonjour, et d'abord, félicitations. Heureux de voir que les jeunes d'antan sont